Hommage à la commune et aux gilets jaunes. Avec cette reprise de Vae Victis. Les Parisiens sont humiliés par la défaite et la colère se lit dans leurs yeux fatigués. Au grand mépris de tous ces gens, les députés ont foutu le camp, car pour ces courageux notables, la France est toujours négociable. Mais le peuple de Paris aujourd'hui se soulevait. Les politiciens ont trahi, pas question de capituler. Partout dans la capitale, on dresse des barricades. On met en patrie des canons partout, c'est l'insurrection. Le pavé, il n'y a plus de gouvernement, mais la commune est proclamée, c'est le retour du printemps. Pour quelque temps, Paris se grise, on oublie le pouvoir central, on rêve de justice sociale, on chante le temps des cerises. Mais pour tirer toute sa clique, fallait faire taire la populace, signer ses bonnes femmes hystériques, fusillés, ses gueules dans leur crasse. Partout dans la capitale, on dresse des barricades, on met en batterie des canons partout, c'est l'insurrection. Fédérés. Ici les gars de la commune ont fredonné leur dernier chant et leur corps noyé dans le sang. Osons chez les fous de commune, les bourgeois n'ont plus à trembler depuis ce joli mois de mai. La République des bâtards, une édition des communards. Partout dans la capitale, on trace des barricades, on met en patrie les canons. Partout c'est l'insurrection. Amour ne m'a moué, ne je lis.